Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Savez-vous ce que signifie Arte ? Non, je vais vous aider, c'est une association relative à la télévision européenne. Arte ! Laissez-vous déranger par Arte. Laissez-vous déranger par Arte. I have an idea. Let me sing Fever, but just singing is liberty Arte. Arte n'a pas toujours existé. Nous fêtons cette année le 25e anniversaire de sa première diffusion qui eut lieu le 30 mai 1992 à Strasbourg. Choisi comme siège de ce qui devait être la nouvelle chaîne culturelle européenne, comme nous l'appelions à l'époque. Président de cette structure originale, composée pour moitié de Français et pour moitié d'Allemands, j'étais dans mes petits souliers. Dietrich Schwarzkopf, vice-président allemand, et moi-même avions invité à l'Opéra de Strasbourg le banc et l'arrière-banc de l'audiovisuel de ces deux pays, sans compter les ministres et de nombreuses personnalités culturelles. Bienvenue sur Arte! Bienvenue au pays de votre imagination! Benvenuto, willkommen! Welcome! Comme si la tâche n'était pas assez compliquée, nous avions décidé de procéder à une diffusion en direct en faisant appel à des animateurs français et allemands. L'humour étant la chose la moins partagée entre les pays, la soirée cabaret allemand d'un côté, French Cancan de l'autre, fut pour le moins réfrigérante. Le débat central de la soirée entre invités des deux côtés du Rhin sur la culture française et allemande fut beaucoup trop long. Les invités étaient consternés. La presse le lendemain fut catastrophique. Nous allions droit dans le mur, c'était sûr. Bonjour, vous êtes bien le téléspectateur ? C'est possible ? François Mitterrand et Helmut Kohl, initiateur du projet en 1989, y mettrait fin assez vite. Je partirai sous les quolibets. 1, 2, 3, 4, 3. Et pourtant, un quart de siècle plus tard, la chaîne Arte est reconnue non seulement en France et en Allemagne comme un succès indéniable, ayant réussi le pari impossible de rapprocher les deux imaginaires, mais elle est également reconnue dans le monde entier comme l'une des plus originales et certainement l'une de celles dont la qualité des émissions fait honneur à la télévision et à la culture. Bonsoir, à demain, 19h. Une chaîne culturelle ? Ce sera un ghetto, m'avait-on dit. Franco-allemande en plus ? Vous êtes fous ? Arte, la langue de Goebbels, avait titré le journal du dimanche en 1992. Pour tuer le virus de la morosité, votre remède de ce soir, Absolutely, un cocktail britannique pétillant et légèrement acide. Comment faire vivre la culture à la télévision ? Dans les années 90, souvenez-vous, la télévision était en plein développement commercial. Il fallait démontrer, au contraire, que l'on pouvait être exigeant sur la qualité des émissions, proposer aux téléspectateurs des documentaires, des fictions, des soirées thématiques ambitieuses. Ainsi se sont créés Corpus Christi, les origines du christianisme, diffusés à 20h30, les collections de Pierre Chevalier, qui ont fait naître une génération de réalisateurs, de grands cinéastes, Assayas, Sissako, Ozon, Desplechin, Amalric et tant d'autres. Cinéastes, documentaristes, créateurs de toutes sortes, tous se sont précipités. Peu à peu, critiques et publics furent conquis. La télévision peut aussi diffuser de la culture sans être ennuyeuse. Paris gagné. Quant au défi européen, il était lié à la culture. C'est l'ouverture aux autres, un regard curieux, le mélange des imaginaires, ou plutôt leur confrontation. Laissez-vous déranger par Arte, disions-nous. Montrer, donner à penser, faire comprendre l'Europe comme un ensemble hétéroclite d'habitudes et de diversités, assis sur une histoire et une civilisation commune. Telle était l'ambition. Chaque pays veut préserver sa culture et c'est normal. L'Europe de la culture existe bel et bien, coproduction d'expositions et d'opéras, échange de pièces de théâtre et de musiciens. Et grâce à Erasmus, pour les étudiants européens qui se rencontrent et se connaissent, les barrières de l'esprit sont un peu tombées. Des partenariats se sont noués entre les théâtres, les musées, les orchestres, les pouvoirs culturels. Allons, nous avons progressé plus qu'on ne croit, même s'il n'y a pas de politique culturelle commune. Mais peut-il y en avoir une ? En dehors des exceptionnelles initiatives comme Arte. La leçon à tirer de l'aventure d'Arte ? Il faut vouloir pour innover, être audacieux pour créer et tenir bon pour réussir.